Le jugement. Enfin parut ce jour tellement redouté de Madame de Rênal et de Mathilde. L'aspect étrange de la ville redoublait leur terreur et ne laissait pas sans émotion même l'âme ferme de Fouquet. Toute la province était accourue à Besançon pour voir juger cette cause romanesque. Mathilde tenait en réserve pour ce moment suprême une lettre écrite en entier de la main de Monseigneur l'évêque. La veille du jugement, Mathilde porta cette lettre au tout-puissant grand vicaire. À la fin de l'entrevue, comme elle s'en allait fondant en larmes, « Je réponds de la déclaration du jury, » lui dit M. de Frilair, sortant enfin de sa réserve diplomatique et presque ému lui-même. « Parmi les 12 personnes chargées d'examiner si le crime de votre protégé est constant, je compte 6 amis dévoués à ma fortune. » Et je leur ai fait entendre qu'il dépendait d'eux de me porter à l'épiscopat. Le baron Valnaud, que j'ai fait maire de Verrières, dispose entièrement de 2 de ses administrés, messieurs de Moirot et de Cholin. Mathilde fut un peu rassurée. Une autre discussion l'attendait dans la soirée. Pour ne pas prolonger une scène désagréable et dont à ses yeux le résultat était certain, Julien était résolu à ne pas prendre la parole. « Mon avocat parlera, c'est bien assez, » dit-il à Mathilde. Le lendemain, à 9 heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais, » se dit-il. En entrant dans la salle de jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre, et une foule de jolies petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Il se crut en Angleterre. On eût dit ce jour-là qu'il n'avait pas 20 ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés « Dieu, comme il est jeune! Mais c'est un enfant !» « Mon accusé, » lui dit le gendarme assis à sa droite, « voyez-vous ces 6 dames qui occupent ce balcon ?»« C'est madame la préfète, » continua le gendarme, « à côté madame la marquise, celle-là vous aime bien, je l'ai entendu parler au juge d'instruction. Après, c'est madame Derville. »« Madame Derville ?» s'écria Julien. Les témoins furent bien vite entendus. Dès les premiers mots de l'accusation soutenue par l'avocat général, 2 de ces dames placées dans le petit balcon fondirent en larmes. « Madame Derville ne s'attendrit point ainsi, » pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous les hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût, mais peu à peu la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. « Pas de phrase, » lui dit-il tout bas, comme il allait prendre la parole. Toute l'emphase pillée à Bossuet, qu'on a étalée contre vous, vous a servi, » dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant 5 minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. « Grand Dieu ! Que diront mes ennemis ? » Il allait céder à l'attendrissement qui le gagnait, lorsque, heureusement pour lui, il surprit un regard insolent de M. le baron de Valnaud. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé. La séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence, de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. voilà le dernier de mes jours qui commence, pensa Julien. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de Madame Derville qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle par hasard ? Pensa-t-il. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Pendant 20 minutes, Julia parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. Une heure sonnait comme les jurés se retiraient de leur chambre. Aucune femme n'avait abandonné sa place. Plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Comme 2 heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valnau s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Julien regarda sa montre. Il était 2h15. « C'est aujourd'hui vendredi, » pensa-t-il. Seulement ces paroles. « Je me trouve justement condamné. »